Amis, les gars du tiers-monde, écoutez chaque seconde de nos chansons. Ça déplace le caisson, même le DJ est accro. La sortie, la cam, la sono. Faut que tu déplaces les mouvements. Faut que tu déplaces tes monuments. Faut que tu déplaces, mais fais-le lentement, mais sûrement. Aussi vif que les propos de leur employé. Nous on vient pas aboyer dans les chaumières. Parce que nous, tu sais quoi, on a plus ces bonnes manières. Nous on s'exprime, c'est qu'on s'est go, Mike. Pose tout ce que t'as à poser. Mais fais le vite, gars, nous on a pas le time. No money, no gens, à no timing. Ok, vas-y, classe le building. Pose tout ce que t'as à poser. Mais fais le vite, gars, nous on a pas le time. No money, no gens, à no timing. Ok, vas-y, classe le building. Nous on s'exprime en direct de Paris. C'est sur ce son que Tibi Fixie a commencé à se développer. C'est sur ce son que les papillons ont pu se transformer en chenilles pour le mille. In a mille, on a bill, te fais pas de bill. Ok, ok, ce soir t'arrives sur le podium. Tu te prends pour un bonhomme, dégueule d'Al Capone. Tu vas sur le comptoir, tu demandes Ricard bien tassé. Oh, tu cherches une tasse pour serrer, communiquer. Ok, ça va déplacer les montagnes. Dédicace à Gilbert Montagne. Pose tout ce que t'as à poser. Mais fais le vite, gars, nous on a pas le time. No money, no gens, à no timing. Ok, vas-y, classe le building. Pose tout ce que t'as à poser. Mais fais le vite, gars, nous on a pas le time. No money, no gens, à no timing. Ok, vas-y, classe le building. Pose tout ce que t'as à poser. Mais fais le vite, gars, nous on a pas le time. No money, no gens, à no timing. Ok, vas-y, classe le building. Pose tout ce que t'as à poser. Mais fais le vite, gars, nous on a pas le time. No money, no